LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Yala Kissikoudi, est-ce que vous avez offert les livres d'Aimé Césaire et les livres de Frantz Fanon à des gens ? Offert, non ? Ah oui, bien sûr, beaucoup. Frantz Fanon, pendant Masque Blanc, je l'ai beaucoup offert. À des amis, etc. Enfin, ce sont les meilleurs cadeaux qu'on puisse faire, je pense. Tu le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Christophe Chassol, Peau Noire, Masque Blanc, est-ce que c'est un livre que vous avez offert ? Vous avez fait circuler ? Un petit peu. J'ai des amis américains qui, je pensais, le connaissaient, puisque c'était censé être la Bible des Black Panthers. Des amis musiciens, noirs américains. Et puis, je l'ai offert aussi à une amie qui était à la fac avec moi, à la fac de philo. Oui, ça m'arrivait de l'offrir. Oui. France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thiémile. Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère ? C'est un jour, en me baladant à Paris, que dans un magasin, j'ai vu ce titre qui m'a tout de suite intrigué parce qu'il y avait déjà dans le titre une idée qui faisait écho à mon expérience. Peau noire, masque blanc. Masque blanc, peau noire. Enfin, moi, j'aurais pu l'inverser aussi. Est-ce que Gaël Faye, à partir de votre découverte de Peau noire, masque blanc, vous avez partagé ce livre avec d'autres ? Oui, je l'ai souvent offert. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum ? La tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines ? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent. Lilian Thuram, vous êtes footballeur de renommée internationale. Comment avez-vous rencontré ce livre, Peau noire, masque blanc ? Ça a dû être un cadeau en fait. Parce que très souvent, lorsque j'étais jeune joueur de foot, j'avais des personnes autour de moi qui me ramenaient des livres. D'ailleurs, j'avais offert Peau noire, masque blanc à des joueurs en équipe de France. Et parce pourquoi que, ben parce que je trouve que c'est un livre essentiel. D'ailleurs, à l'époque, je crois que c'était lorsque nous avions fait le championnat d'Europe en 2002 au Portugal, de mémoire. Et j'avais offert ce livre à pas mal de joueurs noirs de l'équipe. Et après coup, je me suis trompé. J'aurais dû offrir le livre à aussi des joueurs blancs. Parce qu'en fait, ça ne parle pas qu'aux personnes noires. Et donc, c'est un livre, effectivement, qui vous interpelle. Parce qu'effectivement, qui questionne qu'est-ce que c'est être noir. Et qu'est-ce que c'est être noir dans un monde où, en fait, le discours dominant est un discours blanc. Ouais, ça a été un livre très très important pour moi. D'ailleurs, je le lis, je le relis et je découvre d'autres choses à chaque fois. Ouais, c'est un livre qui, en ce moment, me questionne sur le masque blanc. Parce que peau noire, masque blanc, donc les personnes noires peuvent intégrer ou se masquer de ce masque blanc. Mais est-ce que ce masque blanc n'est pas aussi posé sur les personnes blanches ? Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que lorsque Frantz Fanon nous dit que le noir est enfermé dans sa noirceur et le blanc dans sa blancheur, je pense qu'il dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il nous invite à sortir de ces prisons identitaires que l'histoire nous a emmenés parfois à endosser. Livre culte pour lecteurs rebelles. Peau noire, masque blanc, où est la couleur ? Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Par Élise Gruau et Anna Smuk. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. En 1952, Frantz Fanon publie « Peau noire, masque blanc » qui s'ouvre sur cette citation de Césaire, son aîné martiniquais. Le jeune philosophe et psychiatre, poussé par la rage de comprendre et de soigner, livre une analyse de ce que le colonialisme a laissé en héritage dans la psyché des personnes. Comment il les a abîmés dans leur dignité, leur honneur, leur identité. Partant de son expérience personnelle d'Antillais confronté au racisme en métropole, puis de médecin psychiatre en Algérie, où la ségrégation rend impossible toute tentative de soins, Fanon cherche l'antidote au racisme qui ronge nos sociétés. Jusqu'à aujourd'hui, son livre « Peau noire, masque blanc » résonne pour les lecteurs comme le livre frère, le bouclier, le confident, l'ami. Lilian Thuram, vous qui êtes né aux Antilles, 20 ans après la parution de Peau noire, masque blanc, vous êtes né en 1972. Dans votre enfance, dans votre éducation, qu'est-ce qui pouvait être semblable à ce que Frantz Fanon décrit ? Bah, vous savez, je pense que encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont totalement vraies. D'ailleurs, je me retrouvais totalement lorsque il analysait l'antillais confronté à l'africain, parce que effectivement, lorsque vous êtes antillais, vous êtes éduqué à travers le prisme, en tout cas lorsque vous êtes guadeloupéen, le prisme français. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne mettez pas en doute le fait que vous soyez français lorsque vous êtes aux Antilles. C'est lorsque vous arrivez à Paris et que vous êtes vu comme noir, que vous vous questionnez déjà. Ou lorsque les gens ne vous reconnaissent pas comme étant français au premier abord et vous reconnaissent étant que noir. Donc ils vous renvoient à un pays où il y aurait des Noirs. Et donc, ça interpelle vraiment. Et effectivement, même l'histoire racontée, c'est-à-dire que l'histoire racontée aux Antilles est la même histoire racontée dans les écoles ici à Paris. Et donc, il y a cet endroit un peu flou où, en fait, votre identité n'est pas totalement établie, en fait. Je dirais l'identité en tant qu'être humain. Parce que effectivement, vous êtes dans une histoire antillaise qui est liée à l'esclavage, qui est liée au génocide des Amérindiens. Et, effectivement, mais très souvent, lorsque vous abordez cette histoire, vous êtes de l'autre côté. Pour me faire comprendre, je dis toujours à des amis, vous connaissez Christophe Colomb ? En fait, ce qui est très intéressant lorsqu'on raconte l'histoire de Christophe Colomb, on oublie qu'il y a deux possibilités. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive dans les Amériques, soit vous êtes sur le bateau, soit vous êtes sur la plage. Et en règle générale, l'histoire vous emmène à vous penser sur le bateau. Ben en fait, c'est ça que j'ai appris, moi, aux Antilles. Et donc, vous voyez pourquoi je dis qu'il y a une incompréhension de l'histoire. Et je pense que effectivement, avec la réflexion de quelqu'un comme Frantz Fanon, en fait, vous vivez cette situation en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'il y a une distance, et vous regardez la situation, et en regardant avec distance, vous pouvez peut-être voir la violence, en fait, de cette arrivée, et qu'est-ce que ça a mis en place. Et c'est pour ça que Frantz Fanon, oui, effectivement, vous interpelle, et m'interpelle encore aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est est-ce que nous pouvons avoir le courage de regarder l'histoire en tant qu'être humain et regarder la violence, en fait, du système qui opprime les êtres humains. Laennec Urbon, vous êtes un anthropologue haïtien, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous enseignez la sociologie à l'Université d'État de Port-au-Prince. Dans votre cheminement personnel, quel rôle a joué le livre « Peau noire, masque blanc » ? Je ne m'imagine pas, en tout cas, exister aujourd'hui, être ce que je suis sans la lecture que j'avais faite de Frantz Fanon, comme de Césaire, surtout de Frantz Fanon, parce que c'est grâce à lui que je me suis mis à comprendre ma propre vie, la culture de mon pays et toute l'histoire du monde. Parce que tout est parti, à mon avis, d'un effort pour moi, pour me reconstruire à partir de ce que je lis. Je suis né à Jacmel, en Haïti, qui est une ville du sud du pays. Et c'est là que j'ai grandi. Mais j'ai fait mes études secondaires au Collège Saint-Martial, à Port-au-Prince. Et c'est là que je voulais faire de la théologie. Et donc là, j'ai appris progressivement à essayer de comprendre l'histoire même de ce pays, la culture, parce que dans les années 40 et 50, à ce moment-là, le catholicisme était dominant en Haïti, et le catholicisme venait avec, évidemment, tout son cortège de principes et d'idéologies qui visaient à civiliser davantage l'individu. Parce que j'étais d'abord au séminaire, je fais des études de théologie au départ, avant de faire des études d'anthropologie et de sociologie. Eh bien, mes premiers travaux sur le vaudou en particulier, qui est la culture et la religion de base de la majorité des Haïtiens, eh bien, il me fallait comprendre pourquoi cette culture n'était pas reconnue, comment elle avait été constituée. Eh bien, l'œuvre de Frantz Fanon, c'est une œuvre qui permet de comprendre d'abord quel a été effectivement l'effet de la colonisation à travers le système scolaire instauré, l'idéologie qui accompagne la colonisation. Donc tout ce qui a été imposé comme culture en provenance du monde occidental, qui a été le monde qui a imposer l'esclavage et la colonisation, eh bien, quels étaient les effets sur la vie de l'individu, sur la culture, sur la manière de se comprendre, eh bien, c'est Fanon qui pose cette question-là dans Peau noire, masque blanc. Les colonisés, au nom de l'évangile on a mutilé, sait-on vraiment ce qui a pu se passer, le pourquoi du comment des atrocités, peut-on vivre longtemps dans la négation, pourquoi parler de civilisation, expliquer ce qu'étaient les travaux forcés, tous les membres coupés, les filles violées, la chicotée, les camps de concentration, les vols et les plans d'extermination, pourquoi vouloir ainsi tenter d'oublier, les récits de traite en bâton négrier, on nous dit que ces crimes sont révolus, pourtant l'exploitation ne s'arrête plus, les grandes firmes pour produire en secret, se servent de la misère qu'elle-même crée, jamais nous ne pourrons le réaliser, ni même envisager de cicatriser tant que les mensonges du présent seront irrémédiablement enfouis dans notre mémoire mauvaise, le temps passe, mémoire mauvaise, signe ton score, choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret, puis ton scandale avoue tes méfaits, le bateau coule, il a la coque fendue, le bateau coule, il est perdu, mémoire mauvaise, dis tes méfaits ou mais dernier coup fouet. Achille Mbembe. Ce texte a été un peu comme une grenade. Lancer une grenade et puis ça détruit plein de choses. Les gens qui étaient rassemblés en ce lieu, idéal. En ces années-là, on n'avait pas encore trouvé langage aussi éclatant pour rendre compte des situations dans lesquelles étaient enfermés les gens d'origine africaine. Et Fanon découvre dans ce texte les mots qui permettent effectivement de décrire ces expériences et ces situations et d'en rendre compte d'une manière qui dépasse les types d'analyse qui prévalent à l'époque, des analyses de type structural, mais lesquelles ne prennent pas en compte, une fois de plus, l'expérience subjective, l'expérience vécue des principaux concernés. Et quelle était cette question que posait Frantz Fanon dans les années 50 et qui a toute son actualité aujourd'hui ? C'est très intéressant que le propos de Peau noire, masque blanc commence par une question à la vérité tout à fait banale. Fanon raconte, dès les premières pages de son texte, que ce qui l'a poussé à écrire ce texte, c'est au fond le désir de comprendre pourquoi les gens ne s'aiment pas. Et il veut comprendre quelle est la logique qui sous-tend cette espèce de rapport dialectique, si vous voulez, et qui débouche, dans la plupart des cas, sur d'énormes blessures de la part, effectivement, de ceux qui sont inégaux. Dans ce cas, les Noirs. Et il le fait dans une langue à la fois incisive, précise là où il le faut, poétique à l'occasion, mais aussi tout à fait volcanique, à la manière de Césaire et de quelques autres. Et donc, cette langue qui éclaire la nuit d'un éclair, je crois, aura beaucoup contribué à faire du texte l'événement qu'il est resté. Achille Mbembe, vous êtes philosophe camerounais. Vous avez étudié une partie en France. Vous avez aussi beaucoup vécu aux États-Unis. Aujourd'hui, vous vivez à Johannesburg. Comment Frantz Fanon et Peau Noire, Masque Blanc ont-ils compté pour vous? Je crois que j'ai lu Fanon la toute première fois quand je suis arrivé en France comme étudiant. C'était au début des années 80. J'avais acheté une copie de Peau Noire, Masque Blanc, justement. Je crois que c'était à la librairie Présence Africaine, à la rue des Écoles. Je dois avouer que je l'ai lu et je n'ai rien compris. J'ai ensuite relu Fanon lorsque j'écrivais de la post-colonie, les dernières années aux États-Unis, avant de rentrer en Afrique. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte de la sorte de gisement que recelaient ces textes, qui me permettaient alors à l'époque de poser au sujet de notre époque contemporaine la sorte de question qu'il posait à l'époque coloniale. Et vous qui êtes un philosophe de la décolonisation, du post-colonial, vous avez intitulé un de vos livres « Sortir de la grande nuit » et c'était un emprunt à une expression de Frantz Fanon. Comment vous sentez-vous l'héritier de Frantz Fanon dans votre œuvre aujourd'hui, dans votre recherche de philosophe? Il est devenu une partie intégrale de ma vie intellectuelle. Fanon occupe une place centrale dans ce parcours à cause de la radicalité des questions qu'il pose et à cause de cette sorte d'horizon qu'il permet d'ouvrir. Je crois que c'est une source indispensable pour affronter les ténèbres du présent. Le racisme, il est toujours avec nous. Il a un futur. Il n'est pas juste une dimension de notre passé. Mais en même temps, pour rejoindre Fanon dans l'autre versant de sa réflexion, nous n'avons qu'un seul monde. Et ce monde, nous en sommes tous des ayants droit pour que ce soit un monde durable. Nous sommes obligés de le partager en les humains, mais aussi en les humains et tout le reste des vivants. Et dans cette politique du vivant, je crois que c'est le cœur, le nerf de la pensée fanonienne, cette injonction à toujours réparer le monde que nous aurons endommagé, ce rapport de soins, de sollicitude. Et ce souci, je crois que c'est le gisement même, le noyau central d'une réflexion qui aura traversé le temps et qui sera avec nous aussi longtemps que dure le monde. Discours de Frantz Fanon au Congrès international des écrivains et artistes noirs à Paris, en 1956. Le racisme boursoufle et défigure le visage de la culture qui le pratique. La littérature, les arts plastiques, les chansons pour midinettes, les proverbes, les habitudes, les patterns, soit qu'il se propose d'en faire le procès ou de le banaliser, restitue le racisme. C'est dire qu'un groupe social, un pays, une civilisation ne peuvent être racistes inconsciemment. Nous le disons encore une fois, le racisme n'est pas une découverte accidentelle, ce n'est pas un élément caché, dissimulé, il n'est pas exigé d'efforts surhumains pour le mettre en évidence. Le racisme crève les yeux, car précisément il entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhontée d'un groupe d'hommes par un autre, parvenu à un stade de développement technique supérieur. C'est pourquoi l'oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible, légitime le racisme. Mon daron m'a dit, si fiston t'es pas chez toi, fais-toi tout petit mon petit, en gros tais-toi. La France nous aime pas parce que nous sommes différents. Pas facile à comprendre pour un môme de 6 ans d'accepter de faire sa vie dans une soute à bagages. Parce que ses ancêtres en ont eu marre d'être des esclaves. Comme personne n'a jugé bon, garder ça en mémoire. Alors j'ai pas vu mon grand-père dans les livres d'histoire. J'ai pas vu en Indochine les viols et les pillages. Dans les dom-toms, les massacres et l'esclavage évaporé. Les douleurs et les souffrances, les tortures en Algérie, tout le monde s'en balance. Les tirailleurs sénégalais, tout le monde s'en balance. Et qui est-ce qui morfe? C'est leur descendance. J'accuse l'école de cultiver l'ignorance dans la censure, la haine dans la dissimulation de son passé, de ses blessures. On m'a rabâché des trucs comme démocratie, liberté, droit de vote, fraternité, égalité. Et personne n'a été fichu de me dire qui j'étais, de me dire ce que je foutais là, tout frisé, tout bronzé. De me dire pourquoi mon nom de famille était écorché, pourquoi certains enfants n'avaient pas le droit de me parler. Bienvenue au pays des droits de l'homme, de l'exclusion, de l'exception. Gaël Faye, vous êtes auteur, compositeur, interprète de vos chansons et vous êtes romancier. Vous avez écrit Petit Pays, qui est paru en 2016 chez Grasset. Ce récit inspiré de votre propre expérience de vie. En quoi Frantz Fanon est un auteur qui a compté pour vous ? Frantz Fanon a compté parce que c'est le premier à m'avoir dit que l'on peut être un humain avant d'être une origine. Ça paraît assez simple et banal de dire ça, même un peu tarte à la crème. Mais pour l'enfant que j'étais, l'adolescent que j'étais, coincé dans des tiraillements identitaires très forts, de lire qu'on n'est pas prisonnier de sa propre histoire, que l'on n'est pas prisonnier de ses origines, et que ce qu'il faut rechercher en soi et surtout en l'autre, c'est la part d'être humain. C'est ce qui m'a bouleversé. Je peux vraiment dire que Fanon m'a changé, parce qu'il y a eu un avant et un après Peau noire, masque blanc, surtout la conclusion de Peau noire, masque blanc. Et il y avait quelque chose de l'ordre du mantra, quand il dit « Oh, mon corps fait de moi un homme qui toujours interroge ». Et c'est comme si, d'un coup, je trouvais un maître à penser ou un grand frère qui me donnait les réponses que j'attendais. Moi, c'est vraiment la question identitaire que Fanon a tout résolu. À partir de ce moment-là, je ne me suis plus jamais excusé d'être blanc, noir, rwandais, français, d'essayer de composer en fonction de mon interlocuteur. À partir de cette lecture-là, j'ai affirmé le fait que j'étais un être humain et que en moi coexistait un certain nombre de cultures, mais que ça n'enlevait rien à l'humain que j'étais, que je n'avais pas à me justifier, que j'étais un tout. Dernière page de Peau noire, masque blanc. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Et c'est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j'introduis le cycle de ma liberté. Le malheur de l'homme de couleur est d'avoir été esclavagisé. Le malheur et l'inhumanité du blanc sont d'avoir tué l'homme quelque part, sont encore aujourd'hui d'organiser rationnellement cette déshumanisation. Mais moi, l'homme de couleur, dans la mesure où il me devient possible d'exister absolument, je n'ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparation rétroactive. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre. Qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme, où qu'il se trouve. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Tous deux ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une authentique communication. Avant de s'engager dans la voie positive, il y a pour la liberté un effort de désaliénation. Un homme, au début de son existence, est toujours congestionné et noyé dans la contingence. Le malheur de l'homme est d'avoir été enfant. C'est par un rapport de reprise sur soi et de dépouillement, c'est par une tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent créer les conditions d'existence idéale d'un monde humain. Supériorité, infériorité, pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre? Ma liberté ne m'est-elle donc pas donnée pour édifier le monde du toi? À la fin de cet ouvrage, nous aimerions que l'on sente comme nous la dimension ouverte de toute conscience. Mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Est-ce que vous pouvez décrire davantage les tiraillements d'adolescents que vous viviez à cette époque que vous avez évoquée ? Et du coup, peut-être un peu situer votre histoire ? Oui. Alors, mon histoire, elle a commencé de façon assez classique. C'est-à-dire que je venais d'un couple qui s'est aimé. Donc, j'ai un enfant issu de l'amour. Et je ne me suis pas tout de suite rendu compte que mes parents n'avaient pas la même couleur de peau. Et puis bon, ensuite, lorsque je me suis rendu compte de cela, ça n'a pas posé de problème. Je suis né, j'ai grandi au Burundi, donc dans un petit pays d'Afrique centrale. Et j'avais conscience que j'avais la peau caramel, disons, mais ça n'avait pas d'incidence, d'influence sur ma vie. D'ailleurs, les enfants métis dans ces régions-là, on dit d'eux que c'est des blancs. Donc les problèmes d'identité ont commencé avec la guerre. Parce que à ce moment-là, on m'a renvoyé l'histoire de ma mère en me disant « ta mère est Tutsi, donc tu es Tutsi ». Donc ça a commencé à me questionner parce que j'avais aucune notion de ce que c'était et de ce que ça représentait. Et ensuite, on a commencé, encore une fois dans la société burundaise, dans l'environnement dans lequel j'évoluais, on a commencé à me reprocher le fait d'être français. Ça devenait pour moi aussi compliqué, français tout simplement parce que la France soutenait le régime Habyarimana au Rwanda, soutenait militairement, et que ce régime-là avait mis en place toutes les structures qui ont permis le génocide. Et donc, on me reprochait, parce que français, d'être un collaborateur de l'assassinat des Tutsis, donc du côté de ma mère. Donc ce double reproche était très difficile à analyser, d'autant plus que je ne pouvais pas en parler dans ma famille. C'était des sujets tabous, je ne pouvais pas en parler dans la société. C'est simplement des choses que je recevais, j'avais 11 ans, et je recevais ces choses-là de façon violente, sans explication. Et à cela s'est rajouté l'expérience de l'exil, donc l'arrivée précipitée en France, la fuite précipité du Burundi. À cause de la guerre civile. À cause de la guerre civile. Et me découvrir noir pour la première fois de ma vie, où j'avais toujours été un enfant blanc ou considéré blanc. Et je me suis retrouvé noir avec ce que ça implique dans la société française. C'est-à-dire que c'est pas le même racisme qu'il y a au Burundi, au Rwanda. Les blancs, bien sûr, sont victimes d'une forme de racisme. C'est-à-dire que quand on est blanc, on va dans des endroits, on estime qu'on est plus riche, qu'on est plus avantagé. Donc, on nous fait payer ça. Mais c'est un... bizarre à dire, mais c'est une forme de racisme qui valorise. C'est-à-dire que c'est une différence où on nous valorise. Et là, c'était la première fois que ma position dans une société me dévalorisait. Où on ne me demandait pas de venir en étant qui j'étais, mais plutôt de me débarrasser de qui j'avais été pour devenir quelqu'un d'autre. Il va monter sur le ring. C'est la nouvelle signature du label Motown France. Révélation du rap français. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir comme il se doit sur le ring pour vous ce soir, Gaël Faye. Depuis mes sources du Nil jusqu'en haut de la tour Eiffel, j'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer, j'aurais tout jeté, mes refrains, mes couplets. Écouter le studio, je l'aurais fermé, le micro, je l'aurais coupé, j'ai douté. J'avance sur des chemins chaotiques, venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Goutteux, dégoûté d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant, mais je reflète l'obscurité, identité. De porcelaine, j'ai fait ce morceau-là pour assembler le puzzle d'un humain morcelé. Jamais à ma place, les frontières j'efface, m'effraie comme Damas, mon sentiment de race, blanc et noir. Quand le sang dans mes veines se détraque, je suis debout. Au confluent du fleuve et du lac, mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité. Mon métissage, c'est de la boue en vérité. Car quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc. Gaël Faye, quand vous avez découvert Peau Noire, Masque Blanc, le jour de cette rencontre dans une librairie avec le livre, est-ce que vous étiez un jeune homme en colère que ce livre est venu armé, structuré, ou ce livre a donné un bouclier? Oui, j'étais un jeune homme en colère et puis j'entretiens la colère. Oui, je pense que vraiment Fanon m'a structuré, et la jeunesse aussi de Fanon, je crois, a été quelque chose qui m'a donné une impulsion. Parce que quand on se rend compte qu'il a écrit Peau Noire, Masque Blanc, il devait avoir 27 ans, qu'il a écrit Les damnés de la terre sur son lit de mort à 36 ans, enfin, c'est un météorite, quoi. C'est quelqu'un qui était complètement engagé dans son époque, dans son temps. Et puis moi, il y a quelque chose qui me bouleverse dans Fanon, c'est qu'il est né martiniquais et qu'il est mort algérien. Et ça, c'est aussi un exemple que je trouve extraordinaire, c'est de se dire que, il le dit, on n'est pas dépositaire de valeurs spécifiques, on n'est pas ancré. Il dit le destin de l'homme, c'est d'être lâché. Et ça, ça me parle totalement, même dans mes pratiques artistiques. Je sais pas, parce que je fais de la musique, je ne vais pas m'attaquer à d'autres pratiques artistiques. On est souvent dans des sociétés où on aime que les gens soient dans des cases, et puis qu'on est toujours étonné, tiens, que quelqu'un puisse faire ceci et cela. Et ça, c'est dans les activités, mais même dans les identités. Tiens, mais on ne peut pas être et français et rwandais, on ne peut pas être et blanc et africain. Voilà, il y a toujours cette dichotomie permanente dans les discours. J'espère que ça va changer. Après, bien sûr, Fanon, c'était une porte d'entrée vers des gens qui, ont poursuivi ces idées-là. Je pense à Glissant, je pense au Tout le Monde, à l'idée des archipels. Ça a été structurant pour ma révolte, pour ma colère. Il y a un travail de désaliénation chez Fanon. Finalement, c'est toujours de ça dont il parle. C'est comment on arrive à se désaliéner. On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, et Manouchian vient pas d'Auvergne, tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. Yala Kisukidi, vous êtes maîtresse de conférences à Paris 8, vous enseignez la philosophie. Dans votre parcours personnel et de votre parcours de chercheuse, comment s'est opérée la rencontre avec l'œuvre de Frantz Fanon? En quoi vous sentiez-vous alors concernée par la question noire? Déjà, bon, je le suis. Dire cela en France, en 2019, il est vrai qu'immédiatement, dès qu'on commence à mobiliser ces termes, on est taxé d'identitaire, de personne incapable de sortir de son petit narcissisme, etc. Mais il y a une longue histoire de plusieurs siècles de réflexions théoriques portées par les Noirs d'Afrique, d'Europe, des Amériques, sur ce que c'est que cette condition. Et il est vrai que en France, confrontée à des formes de violence, parfois de racisme, se nourrir de ces textes et de la beauté qu'ils produisent est extrêmement important, surtout quand on est jeune, quand on est adolescent, pour se constituer et se consolider. Et c'est en cela que, là aussi, la question noire, ou la manière de théoriser, de poétiser la question noire, a pu m'ouvrir d'une manière à la beauté du monde, plus qu'à sa laideur et à la question finalement de la violence et de la terreur raciale. c'est vrai que Peau noire, masque blanc, ça n'a pas été un livre qui est venu à moi immédiatement. C'est un livre qui est venu à moi un peu plus tard, pour une raison qui me paraît être très forte et qui est portée par la fin de l'ouvrage, à savoir comment être à soi-même son propre fondement quand on a été mangé par le regard de l'autre, quand on a été fabriqué par le regard de l'autre, quand on a été tué par le regard de l'autre et qu'on décide de se ressaisir soi-même et finalement de renaître, de monter en humanité, comme dirait Achille Mbembe. Et quels ont été vos outils à vous ? Quel a été votre cheminement pour atteindre ce fondement par soi-même ? Je ne sais pas si je l'ai trouvé. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la manière dont Fanon a pu être lu, le type de problématique dans lequel on le retrouve. Et c'est vrai que la question du comment être à soi-même son propre fondement, on la retrouve reprise telle quelle chez un autre auteur qui m'est très cher, un auteur congolais, un philosophe congolais très important, qui s'appelle Valentin Moudimbe. Et l'enjeu du travail du philosophe Valentin Moudimbe consiste à se demander, mais comment penser le sujet africain par-delà la manière dont il a été objectivé dans les sciences coloniales et dans l'anthropologie africaniste et sciences qui ont composé ce que cet auteur appelle la bibliothèque coloniale. Et une des réflexions de Moudimbe, qui est un auteur vraiment passionnant, est la suivante. Comment finalement me ressaisir comme sujet par-delà tous les discours qui m'ont tatoué, qui m'ont construit et que je n'ai pas eu l'initiative de créer en fait. Et c'est cela un petit peu cette réflexion qu'on va retrouver dans un ensemble de pensées africaines, critiques, contemporaines qui font vraiment écho à l'œuvre de Fanon. Et c'est comme ça en fait que je me suis réapproprié Peau noire, masque blanc. En fait, je sais que un des passages de Peau noire, masque blanc qui m'a beaucoup marquée, c'est un passage qui a été énormément relu d'ailleurs par les féministes, mais c'est le chapitre 2, la femme de couleur et le blanc. Et ce chapitre m'a marquée essentiellement parce qu'il articule la question justement de la race et de l'amour, et il vient montrer finalement de cette manière comment l'expérience raciale, l'expérience du racisme, l'expérience de la terreur de race en fait, vient tapisser toutes les expériences de la vie quotidienne jusqu'aux plus importantes, peut-être les plus intimes, comme celle de l'amour. Et l'amour, c'est toujours un qui fait face à un autre qui, c'est-à-dire un sujet d'effet de toute catégorisation, etc., de toute choséification qui se rapporte à un autre qui. Et justement, l'expérience de la violence raciale, c'est précisément celle qui empêche cette expérience véritable de l'amour, puisque l'autre, victime de racisme, construit par le racisme finalement, se rapporte toujours aux objets, etc., qui l'entourent, aux sujets, aux autres sujets qui l'entourent, à travers le prisme de la race. Et ce prisme-là, c'est précisément ce qui empêche la relation effective à l'autre, en fait, et la relation véritablement amoureuse. Mais ce que je trouvais extrêmement intéressant, en tout cas, un point de départ qui s'est inscrit dans des réflexions à la fois théoriques, mais aussi peut-être beaucoup plus personnelles, c'est de voir comment l'expérience du racisme est l'expérience de saturation. Qui vous rend fou, puisque déjà vous êtes obligé d'habiter la folie d'un autre, celui qui vous a fabriqué comme nègre en fait, et toutes les expériences que vous vivez en fait sont saturées de cette folie. Et la question, c'est comment ne pas être submergé par cette folie, comment faire en sorte que la folie de l'autre ne nous contamine pas non plus. Je donnais des cours de piano, beaucoup. Et oui, puisque vous êtes musicien, vous êtes compositeur, pianiste. Votre nom d'artiste, c'est Chassol. Oui, c'est mon nom de famille. Ouais. Voilà. Je donnais des cours de piano, donc souvent donc, j'avais les gens au téléphone, et puis je me rendais chez eux, et ils ouvraient la porte, et je savais avant qu'ils ouvrent la porte, je guettais les réactions pour voir, parce que Je savais qu'il y aurait une surprise, donc je guettais les réactions. Ça me faisait rire de voir ce mécanisme à l'œuvre. Mais c'était bien que je puisse rire, moi j'avais le luxe de pouvoir en rire. Je sais que c'est pas quelque chose d'hyper drôle, en vrai. Donc je me posais des questions. Enfin, je suis toujours aux aguets, en fait. Je veux dire, je vais dans les salles de spectacle, j'ai mon radar qui fait pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, tiens, je sais instantanément combien il y a de noir dans les spectateurs, sur scène. Il a fait que je suis toujours aux aguets, quand même. Christophe Chassol, comment le livre Peau noire, masque blanc de Fanon est entré dans votre vie? Comment vous l'avez découvert? Par mon père. Mon père était donc un Martiniquais, né en 45, qui est arrivé en France en 63, 18 ans, employé de la RATP, musicien amateur, et il y a toujours eu des livres à la maison que je trouvais un peu étranges, c'est-à-dire des choses sur le Viet Cong, des publications sur les droits civiques, Le Matin des Noirs, un bouquin qui m'a beaucoup plu aussi. Et il y avait du Césaire, il y avait Peau noire, masque blanc, que j'ai lu vers l'âge de 15 ans, en fouillant dans la bibliothèque. Je grandissais dans une banlieue assez riche qui s'appelle Meudon, où j'avais été depuis la maternelle, toujours le seul noir sur les photos de classe. Et donc c'est... me posait pas mal de questions quand même. Et j'ai vu que il y avait une littérature noire, quoi. Ça m'a éveillé, quoi. J'ai été éveillé. J'ai eu les armes pour penser ma noiritude, ma négritude. Fanon, c'était vraiment... moi, ça a tout changé dans ma vie. J'ai compris compris. Il y avait quelqu'un qui écrivait les mécanismes de la colonisation, etc. Et comment pouvoir s'en émanciper. Et vous vous souvenez de quelle partie du livre vous avez marqué? Ah oui, plusieurs, ouais. Bah, bon, il y a déjà toute la partie sur le langage. Je crois que c'est la première partie qui sur le parler petit nègre. Enfin, c'est des choses que j'ai constatées dans ma jeunesse, la condescendance des gens qui s'adressent à nous, à ma sœur et moi. Par exemple, ah mais comment tu vas, Christophe? Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et alors comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Bon bah là, je suis en études, je suis en licence de philo. Qu'est-ce que c'est bien, Christophe? C'est bien que tu aies pu faire des études. Donc voilà, ce genre de choses, c'est des choses que je... Bon, là j'avais déjà lu Peau noire, masque blanc, donc je reconnaissais ce discours. C'est pas grand, ça paraît pas grand-chose, mais c'est... Ah, tu as l'intellect suffisant pour pouvoir... Bon, voilà, c'est comme une... Cet étonnement était étonnant. Mais pas trop, puisque j'avais lu Fanon, et que donc sur le langage, dans cette première partie, il t'explique que... Oui, il nous explique aussi le... Tout ce que j'ai constaté en allant en Martinique une fois tous les deux ans en vacances, c'était... Enfin, Fanon parlait des gens, des Antillais qui allaient en France et qui cherchaient à parler encore mieux que l'Européen, que le Blanc. Et qui laissaient tomber le créole. Il parlait de tout ça, donc c'est des choses que je voyais, quoi, oui, que je voyais des gens qui brodaient, on dit ça en Martinique. Donc quand on brode, c'est qu'on... On essaye de s'exprimer ainsi, tu vois, en gommant l'accent créole. Tu vois, il ne faut pas que l'accent créole reparaisse, parce que sinon, ça nous rapproche de l'animal, tu comprends? Donc, il faut parler comme ça, de façon un peu châtiée, en brodant. Et donc, on se moquait beaucoup des gens qui brodaient, quoi. Ouais, c'était plutôt « Allez, assume-toi, c'est bon. Black is beautiful, quoi. » Tout ce qu'il décrit, je le reconnais, ça pourrait être écrit aujourd'hui. J'arrêtais pas de me dire ça en lisant ce livre. Et alors, donc il y a ça, il y a toute cette partie sur le langage. Il y a les parties la femme noire et l'homme blanc. Donc j'étais à moitié intéressé, puisque je suis un homme noir. et puis la troisième partie, je crois, c'est l'homme noir et la femme blanche. Alors là, j'étais très intéressé, puisqu'il y avait beaucoup de filles blanches autour de moi. Et donc je me posais des questions. Quoi. Et donc, il disait que... quand une femme blanche sort avec un homme noir, elle emmène son père à elle dans un univers sexuel dont il n'a pas les clés. Et donc ça m'avait marqué cette phrase. Je crois que c'est texto ça. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est pour ça qu'il me voit comme ça. Après, je veux dire, n'importe qui sort avec quelqu'un, quand il rencontre le père se sent menacé, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir. Mais quand il est noir, c'était tout un fantasme sexuel assez délirant. Où le père se sent menacé, en gros, quoi. Et alors, il y avait dans ce livre un truc hyper intéressant, moi, que j'avais adoré, c'était dans des notes de bas de page, ils ont fait une étude, Fanon et ses équipes, pour démontrer que les Noirs n'avaient pas un pénis plus gros. Vraiment, ouais. Ils ont fait une étude, ils ont, je sais pas, ils ont dû étudier 2000 cas, j'en sais rien, je sais plus. Et tout ça pour dire, oui, ben voilà, essayer de nous rapprocher de l'animal pour justifier je sais pas, la colonisation, la domination, tout ça, etc. Donc ça m'avait beaucoup parlé, ça. Je me suis dit, ah, mais c'est chouette, oui, voilà, c'est écrit, c'est documenté, c'est scientifique. Et, déconstruit. Ouais, et c'est fait par un noir philosophe psychiatre. Donc c'était parfait comme lecture. Ça m'a permis d'être tranquille, c'est ça que je dirais. Mais bon, c'est aussi la musique, hein, qui, une activité à faire de façon intense et minutieuse, ça m'a aidé. Et puis cette activité, la musique, elle dépasse un peu tout ça. Attends, grand ciel là, il y a 10 étoiles qui tout en or, c'est 10 étoiles moins, c'est les celles qui savent la peine chez moi, c'est les manquements des veilleurs sur, il y fait au songer combien moins un main ou doudou. Attends, grand ciel là, il y a 10 étoiles qui tout en or, c'est 10 étoiles moins, c'est les celles qui savent la peine chez moi, c'est les manquements des veilleurs sur. Il y fait au songer combien moins un main ou doudou. Attends grand ciel là, ni en 10 étoiles qui tout en or, c'est 10 étoiles moins, c'est les celles qui savent la peine chez moi, c'est les manquements des veilleux assis. Il y fait au songer combien moins un main ou doudou. Vous, Magali Besson, vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Comment avez-vous lu Frantz Fanon? Quel est votre souvenir de découverte de Peau noire, masque blanc? Je ne l'ai jamais étudié en classe ou à l'université. Je l'ai lu tardivement après avoir lu et traduit Dubois. Dubois, c'est un Afro-Américain qui a écrit en 1903 un livre assez important, Les âmes du peuple noir. Nous sommes aussi quelques-uns à avoir découvert les problèmes de racisme, de discrimination raciale qui existent en France. Par un détour américain et par les États-Unis, nous avons à ce moment-là lu une littérature fascinante, passionnante et foisonnante qui se produisait en sociologie, en histoire, en philosophie critique, en philosophie analytique, sur les questions de racisme. Et nous nous sommes demandé comment il se faisait qu'en France, il n'y avait absolument pas l'équivalent en termes, encore une fois, de richesse de production de ressources intellectuelles, quoi. Il se trouve qu'au tournant des années 2000, en France, la question de la discrimination raciale commençait à apparaître précisément sous l'effet d'un certain nombre de chercheurs qui commençaient à donner des outils pour penser à la discrimination raciale. C'est Patrick Simon, c'est Éric Fassin, eux-mêmes héritant de Étienne Balibar, mais voilà, il y avait quelques noms, mais la porte était ouverte. Disons, le champ, à un moment donné, s'est ouvert pour que les gens de ma génération puissent se dire « Oui, il faut penser, et c'est notre responsabilité d'essayer désormais de penser la condition raciale et les conditions du racisme en France, parce qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème, ou on ne peut pas faire comme si nous allions dans la bonne direction, c'est-à-dire celle d'une démocratie égalitaire, équitable, avec un apaisement des tensions qui avaient pu être héritées de l'histoire. Donc il s'agissait de penser, et Fanon était, à mon avis, l'un des maîtres de cette redécouverte, de cette nouvelle pensée, parce qu'il offrait des clés qu'on avait pour l'instant négligées, parce qu'on ne nous les avait pas données, parce qu'il a fallu aller un peu les exhumer par nous-mêmes, quoi. Elle est belle, la France. Elle est belle, la France, avec son cortège d'indécence. Nani Boula Sidibé, vous êtes étudiante à la Sorbonne en philosophie et vous êtes en train d'écrire un mémoire qui s'appelle « Existentialisme, de l'Occident au monde noir ». Vous êtes en ce moment pour un semestre aux États-Unis, c'est pourquoi on se parle aujourd'hui par téléphone. Est-ce que vous pouvez, Nani Boula Sidibé, nous raconter en quoi votre parcours personnel vous a amené à travailler sur Frantz Fanon et sur Peau noire, masque blanc en particulier? Il y a un professeur à la Sorbonne qui l'a évoqué dans un de ses cours, c'est Mohamed Amer Méziane. Donc voilà, à ce moment-là, je suis partie lire et ça m'a vraiment intéressée. Peau noire, c'est le fait qu'on ait la peau noire. Et masque blanc, c'est le fait qu'on tente de rentrer dans la normalité et de s'assimiler à ce qui représente la norme, à savoir le blanc. Et vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir dû revêtir ce masque blanc quand vous êtes arrivée à l'université? Oui, surtout pendant mes années de licence. Il fallait se conformer autant que possible. pour pas paraître différente. Donc quand j'étais jeune, j'ai pas vraiment senti le racisme parce que j'étais dans des zones où il y avait pas mal de Noirs et d'Arabes, et c'était les populations majoritaires. Du coup, je me sentais pas si différente que ça. Mais c'est après, en poursuivant mes études au lycée, et puis après dans le supérieur, que je me suis rendu compte qu'il y a une très grosse différence, que ce soit culturelle ou même dans la simple manière de parler, en fait. On parlait pas forcément le français qu'on apprenait à l'école. Ça veut dire que dans nos phrases, on intégrait des mots qui sont de la langue de nos parents. Ou sinon, il y avait aussi des expressions du quartier, par exemple, je sais pas moi, pour dire bonjour à quelqu'un, on va pas forcément dire bonjour, comment vas-tu, ou bonjour, tu vas bien, on va dire wesh, tranquille. Et du coup, ce qui fait que quand je suis arrivée dans le milieu universitaire où il y avait toutes ces personnes qui parlaient bien français, je me suis retrouvée à devoir faire attention à comment je parlais. Et du coup, cette différence, je me suis sentie personnellement comme pas inférieure, mais c'est moi l'exclu en fait. Les autres sont normaux, donc les blancs sont normaux. Et moi, j'étais la personne différente qui arrivait dans ce milieu de personnes uniformes et normales. Et donc, ce qui fait que j'apparaissais tout le temps comme celle qui est en décalage par rapport à la normalité. Et le fait de considérer juste une partie de la population comme la population de référence n'est pas normal. Et du coup, d'avoir lu Fanon et d'avoir vu dans des textes que la situation que moi je vivais et à laquelle je tentais de m'adapter était qualifiée d'anormale par un auteur, ça m'a permis de, moi, remettre en question mon comportement et mon rapport au monde universitaire et au monde tout court d'ailleurs. En plus de ça, ça m'a permis aussi de proposer mes sujets à l'université, parce qu'en Master 1, donc, j'ai travaillé sur James Baldwin, sur un concept qui s'appelle la dialectique de la reconnaissance blanche. Ça correspond au fait que le noir tente de s'assimiler pour justement s'aligner sur la normalité. Et c'est des sujets que j'aurais jamais proposés si j'avais pas lu Fanon en fin de licence. Je suis chez moi partout sans être jamais à ma vraie place. Mon seul pays c'est moi, mon seul amour c'est toi. Toi l'autre différent mais au fond si proche de moi. Et quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle et quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Métissé, prisé ou méprisé, j'ai dû m'adapter. Ballotté entre deux cultures, ça commence à dater. Adolescent complexé, toujours en quête d'identité. C'était Livre culte pour lecteurs rebelles. Peau noire, masque blanc, où est la couleur? Avec Yala Kisukidi, Lilian Thuram, Laina Kurbo, Gaël Faye, Achille Mbembe, Christophe Chassol, Magali Besson et Nani Boula Sidibé. Prise de son, Romain Lequins, Gilles Gallinaro, Pierre Monteil, Yvan Charbet. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Anna Smuk. Quand deux fleuves se rencontrent, n'en forment plus qu'un et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle et quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité.